Bonsoir, je vous parle depuis la clinique vétérinaire de Draveil. Nous aurions dû ce soir vous présenter la nouvelle saison de On va se marrer avec toute l'équipe. Et malheureusement, en raison de la grippe H1N1, notre mascotte, Maurice, ne peut être présent. En effet, il a lu dans la presse que le seul moyen de se protéger, c'était les fameux masques, et en a avalé un carton. Alors qu'il est, nous n'avons toujours pas réussi à lui faire digérer la fin du carton. Et nous devons donc reporter le lancement d'On va se marrer à la semaine prochaine. En attendant, voici un best-of du best-of du best-of, c'est-à-dire les pires moments d'On va se marrer. Antenne, 2 secondes. On va se marrer. Pendant 2 heures. Pendant 2 heures. Antenne. Première et unique question de la soirée. Entre 1 et 10, combien y a-t-il eu de spectateurs pendant un mois au spectacle de Frédéric Coster ? 27 ! J'ai dit entre 1 et 10, Maurice. Entre 1 et 10, mais non, il y en a deux, en moyenne ou en tout ? Non, c'est une blague, bien sûr. Oui. Nous vous invitons à payer, bien sûr, d'aller voir le spectacle de Frédéric Coster, et oui, qui joue toujours à Paris dans des salles magnifiques, oui, voûtées. Oui. Les caves voûtées. C'est vrai. Donc, s'il nous écoute, bien sûr, on l'embrasse. Oui. Et vous retrouvez les billets du spectacle de Frédéric Coster sur le site du Zoo de Vincennes. Alors. Avec tout ça. Monique, t'es pas venue le voir, tu rates non, quand même. Je faisais la nounou, moi. Ah, ben. C'est dommage parce que lui, il faisait le boubou. Donc, qu'avaient en commun Mike Brandt et Serge Gainsbourg ? Ben, ils en avaient tous les deux une belle paire. De mocassins. Oh, oui. Ils étaient juifs ? Non. Si ? Oui, ben, ouais, c'est pas... ils avaient quelque chose en commun. Ils se droguaient ? Si. Oui. Ben, si. Ah, mais en fait, ils avaient plein de points communs. Oui, ils avaient plein de points communs. Mais non, tout à l'heure, Bob était bien parti dans son... Ah, il en avait une paire, c'est ça ? Avec alors, ma paire ? Des lunettes ? Non. Serge Gainsbourg ne sait pas... Il se tapait plein de bonnes femmes. Non. Mike Brandt, c'est étonnant. Ouais, ça se saurait. Ah bon ? Alors, il avait donc une paire... une paire de... Une paire d'oreilles, une grande paire d'oreilles tous les deux ? Non. Toutes les deux. Non. Toutes les deux, oui. Mais tu étais bien parti tout à l'heure avec tes mocassins et tout ça, t'étais dans la bonne direction, là. Ah, les pieds, alors ? Ils avaient tous les deux des grands pieds ? Non. Des grands doigts de pied ? Non. Ils marchaient pieds nus tous les deux ? Non. Ils étaient pieds nus dans la chaussure. Pardon, qu'est-ce que tu disais, Bob ? Ils marchaient pieds nus tous les deux. Oh, je vais l'accorder quand même, parce qu'en fait, c'est presque ça. Hein. Ils ne portaient jamais de chaussettes. Voilà. Donc on peut quand même considérer que la réponse de Bob du club est une bonne réponse. Eh oui, Fred, tu peux. Plus fort. J'applaudis la réponse, mais pas la question. Hein. Quelle culture. Lindsay Lohan a été renversée par une moto. Enfin, on s'en fout, hein. Oui, c'est vrai, on s'en fout, mais c'est dans la presse. Alors là, par contre, c'est la chanteuse Cher qui est pressentie pour jouer. Et c'est vrai. Ah, pour c'est jouer vrai Catwoman dans le prochain Batman. Oh là là. Ah. Je ne savais pas que les chauves-souris aimaient les vieilles chats. Alors, comme promis dans On va se marrer, il y a les interdits d'On va se marrer. Ah. Des blagues particulièrement horribles qui n'auraient jamais dû être diffusées. Généralement racontées par Philippe, Gégé ou Bob. Oui. Et nous avons retrouvé, il y a quelques années, une excellente blague de Gégé qui ce soir-là était particulièrement en forme. Donc, bien entendu, ces blagues, on les déconseille aux moins de 16 ans. Mmh. Donc, s'il y en a à l'écoute, fermez les oreilles. Pendant 30 secondes, voici Gégé dans ses œuvres. Pourquoi est-il recommandé de mettre du sparadrap autour des hamsters pour ne pas qu'ils explosent quand on les encule ? Quelle horreur ! Quelle horreur ! Était fier de toi. Rattrape-toi, d'autres, hein. Quelle est la différence entre le Viagra et les marrons ? Je sais pas. Aucune, ils servent à fourrer la dinde. Alors, comme il faut préparer les interdits des prochaines années, oui, ça se passe pendant le procès à Eichmann, à Jérusalem.

applaudissez pas, je vais en faire des comme ça. Hein. J'en ai d'autres. Alors, c'est le gars, justement, qui rentre chez lui le soir et qui dit à sa copine, ah, dis donc, je suis content, j'étais à la pharmacie. Tu savais, toi, qu'il y avait des préservatifs avec plein de parfums différents, etc. La fille dit, ah bon, bah, oui, j'ai vu ça à la télé l'autre jour. Du coup, je suis passé à la pharmacie, j'en ai acheté. Ah, c'est sympa, super. Ah, bah, écoute, je te propose un truc. Ça va être marrant. Tu vas deviner les parfums. Ah oui, d'accord. Bon, allez, on éteint la lumière. Il coupe la lumière. Bon, allez, on va... Alors, la fille, elle commence à se mettre au travail. Une petite gâterie. Maroilles. Non, attends, j'en ai pas encore mis, là. Attends. Oh. Alors, c'est un mec qui rentre dans un bar à Brest. Le mec s'installe sur les tabourets et il commande une 16. Alors pendant que le barman le sert... Une 16 ? Une 16, une bière. Ah, une bière. Alors pendant que le barman le sert, le gars, il sort de sa poche un paquet de tabac à fumer et une toute petite pipe, mais une mini pipe. Et d'ailleurs, il a du mal à la fourrer parce qu'il a des gros doigts. Alors le barman, intrigué, il arrive, mais attendez, je me mêle peut-être d'un truc qui ne me regarde pas, mais j'aimerais quand même savoir pourquoi vous vous escrimez à fumer avec une aussi petite pipe. Alors le mec, il sourit un peu, il dit, attendez, cette pipe et moi, c'est sentimental. Mais je vais quand même vous expliquer parce que vous avez l'air d'être intéressant. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, j'ai été marin dans les forces françaises libres. Lors d'un passage au large des côtes africaines, en Méditerranée, notre navire fut torpillé par un sous-marin allemand. Je fus le seul survivant du naufrage et je ne dus la vie qu'à l'intervention d'une sirène. Cette sirène m'aida à parvenir jusqu'à une petite île. Et elle ajouta qu'elle réaliserait 3 de mes souhaits. Mon premier souhait consista alors à lui demander de vivre jusqu'à la fin de la guerre sans plus jamais risquer ma vie. Très bien. Mon deuxième fut de ne plus jamais manquer d'argent jusqu'à la fin de mes jours. Et là aussi, je suis peinard. Et mon troisième, c'était de la sauter. La sirène, elle m'a dit, ah ben non, je peux pas vous accorder ce souhait. Et les sirènes, elles ont un corps de poisson et au-dessous de la ceinture... c'est pas possible, elles peuvent pas avoir de rapport. Ben oui, mais alors qu'est-ce que vous avez demandé à la place? Ben alors, à la place, j'ai demandé une petite pipe, déjà. Quel cadeau le nouveau président du Paraguay, Fernando Lugo, a-t-il fait à son pays? Ah oui, on a oublié de vous dire que Philippe n'a pas dessoulé depuis hier soir. Alors, Paraguay, le président du Paraguay, Fernando Lugo, a fait un cadeau à son pays. À son pays? Oui. Lequel? Il s'est pas représenté. Non. Oui, ça aurait pu être un cadeau. T'as confondu avec Chirac. Là. Que d'autres en prennent de la graine. Mais... Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il a donné un truc à son pays. Oui. C'est un rapport avec les Jeux Olympiques? Non. Des plans de coca? Non. C'est au Pérou, hein? Au Paraguay. Non, au Paraguay. Oui, c'est pas loin. Il a supprimé l'impôt. C'est à côté de la Bolivie, tout ça, là. Hein. Oui, les trafiquants, là. Oui, c'est voilà, au sud de. Oui, le. Dans l'Amérique du Sud. Le Botswana, l'Estonie du Sud. L'Estonie du Sud. Voilà. Donc, c'est un rapport avec les impôts? Non. Il a donné vraiment quelque chose? Oui. C'est un rapport avec les femmes? Non. Il a donné quelque chose à tous les. Il a distribué des terres ou des terrains? Non. C'est un rapport avec l'argent? Oui. Ah. Il a donné de l'argent? Oui. Il a donné de l'argent à ses ministres? Non, un truc tout simple. Il a supprimé les impôts? Non. Il leur a donné de l'argent, il leur a donné une prime à chacun. Non, il a donné de l'argent, mais quel argent? Qu'est-ce qu'il a pu donner comme argent? Bah, l'argent de la drogue? Non. Qu'est-ce qu'il peut donner son comme argent? Son fric à lui, perso? En quelque sorte. Son salaire. Exactement. Bonne réponse de Frédéric Coster, largement aidé par GG. Il a fait cadeau de son salaire. Et alors, il faut savoir que le salaire du président du Paraguay est à 4 000 $ US. Ah, Oui, bon, c'est pas énorme, hein. Bah, par an. Par an. Par an. Alors, Catherine. Qu'est-ce qui est mignon, petit, bleu et qui crache des copeaux? Alors, je sais pas, je vois eh bien, pas. C'est la schtroumpfette qui taille une pipe à Pinocchio. Ah, bah, elle met les dents alors, hein. Antenne, 2 secondes. On va se marrer. Pendant 2 heures. Pendant 2 heures. Antenne. selon le magazine Paris Match, Bertrand Cantat, le leader de Noir Désir, qui a passé 4 ans en prison, je vous le rappelle, semble être un homme complètement différent. Il serait plus serein, plus détendu. Et oui, en fait, il a une nouvelle petite amie. Ils ont été vus ensemble se baladant dans les Pyrénées. L'identité de la jeune femme n'a pas été révélée, cependant. Oui. Il paraîtrait même qu'ils ont passé la nuit à discuter à bâton rompu. je me méfierais quand même. Et triste nouvelle, je vous prie d'être sérieux 2 minutes. Le chien de Magloire, prénommé Vendôme, place Vendôme, pardon, il est mort ce week-end. Oh. Il s'est fait écraser par une voiture sous les yeux de son propriétaire. Oh, quelle horreur. Mais c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de synergie entre Magloire et son chien. Effectivement, le chien avait trop bu et il n'a pas fait attention, il a traversé comme un fou. Ah. Et il s'est fait écraser comme une voiture. Comme les choses sont mal faites. Pour Magloire. Oh, oui, oh. La suite au prochain numéro. Merci Fred. Merci Frédéric Costère. Alors, une secrétaire. Ah. Chef, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Le chef. Eh ben, donnez-moi la bonne. Eh ben, vous n'êtes pas stérile. Alors, c'est un jeune Africain de 6 ans, Mamadou, qui entre dans la cuisine pendant que la maman prépare un bon gâteau. Profitant que la maman a le dos tourné, il se plonge la main dans le paquet de farine et se barbouille le visage. Regarde maman, je suis un petit blanc maintenant. La mère se retourne. Ah, idiot! Ah, là qu'elle lui met une paire de baffes. Plaf! Va voir ton père comme ça, tu vas voir ce qu'il va dire. La radio est assurée. Le père est devant la télé. Papa, papa, regarde, maintenant je suis un petit blanc. Le père regarde. Oh, quel con! Il fout une paire de baffes. Tiens, va voir ta grand-mère. La grand-mère, mamie, mamie, regarde, regarde, maintenant je suis un petit blanc. La grand-mère l'attrape, lui fout une volée. Quelle saloperie! Et alors, il retourne voir sa mère. Tu as vu? Tu as compris, hein, ce qui va t'arriver? Et le, oui, bah ça j'ai très bien compris. J'ai été blanc pendant 10 minutes et déjà je peux plus supporter les noirs. Une bonne nouvelle. Bob a profité de l'été pour nous préparer une chronique avec les conseils de Papy Bob. Ah, oui. Alors, exemple, vous avez des œufs. Hein? Jusque-là, tout va bien. Comment voir que vos œufs sont frais, sont bons à manger? Ah, il faut les plonger dans l'eau. Oui. Jusque-là, t'as bon. Alors, je sais plus, c'est quand il remonte, si c'est bon. Mais dans l'eau chaude, ah, ça, c'est embêtant si tu voilà. Sais plus. Hein. Oui, le premier qui essaye de me plonger les œufs dans l'eau chaude, j'en colle une. Si l'œuf remonte, c'est qu'il n'est pas bon. Voilà, c'est voilà, ça. Ah, c'est ça. Il faut manger ceux qui restent au fond, ceux qui se flottent. Oui, il faut pas les manger. Surtout pas les manger. Oh, merci Bob, c'est très bon conseil. Alors, un autre conseil. Oui, mais enfin, j'ai essayé. Moi, j'ai essayé ça dans la juine. Vas-y pour attraper les œufs après, toi. Tu ouvres, Frédéric, oui. Tu ouvres ton frigidaire. Non, jamais. Oh, si. Non, jamais. Non, bah, si. J'aime pas les routes départementales. Vas-y. Donc, tu ouvres ton frigidaire et tu as plusieurs œufs. Mais tu sais que tu en as cuit certains qui sont durs. Oui. Mais tu as besoin de ceux qui ne sont pas durs. Mmh. Ah. Comment tu fais pour différencier? Tu les jettes par terre. Oui, voilà, je les écrase sur le frigo pour voir. Ah, bah celui-là, il était sans bon. Sans les casser, comment tu fais pour différencier les durs des frais? Je les secoue. Les secoue, et alors? Je les secoue. Et on t'entend dedans quand tu... ils sont plus lourds quand tu les... Non. Ça me rappelle une histoire que tu racontais tout le temps avant. Ah bon? Qu'est-ce qui est jaune et qui devient rouge quand tu appuies sur le bouton? C'est ça, oui. Un poussin dans un micro-ondes. Un poussin dans un micro-ondes. Mais là, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si... Non, je peux pas le dire. Alors c'est très, très simple. Oui. Vous les prenez entre le pouce et l'index. Oui. Les faire tourner. Sur la table. Et tu les fais tourner. L'œuf frais s'arrête rapidement. L'œuf dur tourne comme une toupie. Oh. D'accord. Merci, Bob, pour ce deuxième conseil. C'est deux oiseaux qui se bécotent dans un arbre, ils se bécotent, ils se caressent tout ce qu'ils peuvent. Et puis à un moment, il y a le mâle qui dit à la femelle, allez vas-y, fous-toi à plume. antenne. Deux secondes. On va se marrer. Pendant deux heures. Pendant deux heures. Antenne. Avec des petites mignonnes, hein, Gégé ? Oui, tu la veux tout de suite ? Ah oh bah oui, maintenant que t'es chaud. Alors, dans un couvent, Sœur Louise se retrouve enceinte. Oh. La mère supérieure convoque la malheureuse et la Sœur Louise se défend et jure que jamais elle n'a péché. Ah. Mais la mère supérieure la renvoie sans discuter. Un mois plus tard, c'est au tour de Sœur Laurence d'être enceinte. Oh. Tout comme Louise, elle est convoquée, renvoyée sur le champ. Oh là là. Deux semaines s'écoulent et c'est au tour de Sœur Fernande, 60 ans, de tomber enceinte. Choquée, la mère supérieure, très agacée, la convoque dehors. Oh bah dis donc. Puis, deux semaines encore après, la mère supérieure est enceinte. Mais qu'est-ce que c'est que ce couvent ? Elle convoque tout le couvent, fait une réunion extraordinaire. Et rappelle même les sœurs Louise, Laurence et Fernande qu'elle avait renvoyées. Enfin bon, bref. La mère supérieure se lève au milieu de l'assemblée et leur tient ses paroles. Bon, mes très chères sœurs, il y a un petit enfoiré qui s'amuse à éjaculer sur les cierges. Il faut le débusquer et lui faire la peau. Docteur, il paraît que je suis nymphomane, vous croyez que c'est vrai ? J'en sais rien, mais lâchez-moi la bite, ce sera plus facile pour faire l'ordonnance. Oui, donc madame, j'ai eu vos analyses. Ah oui, donc vous avez un cancer du foie. Hein. Ah. Ah, oui. Et je sais pas, en plus, c'est incurable. Ah. Oh, docteur ! Oh, ben, dites non, vous me dites ça comme ça. J'en reviens pas, mais enfin, j'aimerais quand même avoir un deuxième avis. Ah oui, un deuxième avis ? Oui, si, oui. Ben, en plus, vous êtes moche. Hein. Alors, quelle est la particularité de l'albatros ? Je sais pas, il vole c'est pas. Un oiseau de mer. Oui. Il plonge. Oui. Non mais c'est un. Il a une particularité. Ah, oui, oui, il a une Il a un problème pour atterrir. Hein. Il lui faut 150 mètres au moins pour atterrir. Non, je crois. Ça c'est Bernard et Bianca. Oui, quoi, oui. Mais c'est dans la réalité, c'est vrai aussi. C'est pas cet oiseau qu'on appelle le oulala. Alors c'est quoi cet oiseau, le oulala? C'est un oiseau qui a des tellement grosses coucougnettes que dès qu'il atterrit, il fait oulala, oulala. L'albatros, je crois que c'est la plus grande envergure au niveau des oiseaux. Non. Non. Non, il a c'est la quantité de poissons qui mange par jour. C'était une question, donc. Oui, c'est une question, oui. Je crois que c'est une blague. J'attendais la chute. Non, pas du tout. C'est la quantité de poissons qui mange par jour qui rentre en ligne de compte. Non. Sa façon de nicher. Non. C'est le seul oiseau qui carbure au diesel. Non. Sa façon de. Ah oui, il est capable de vivre quasiment sans se poser. C'est pas ça, mais c'est mais effectivement. C'est presque ça, oui. C'est lié au vol. Oui. C'est il le est capable seul oiseau de faire des kilomètres. De planer des milliers de kilomètres. De faire quasiment le tour de la Terre sans donc, se poser. Et donc, il est capable de voler. De planer. Planer. En planeur. Bah, de voler. Bah, de dormir en volant. Bonne réponse de Bob Lecoeur. Un jeune papa anxieux attend dans le couloir de la maternité et le gynéco lui dit : ça y est, ils sont nés, ce sont des jumeaux. Ah, ça m'étonne qu'à moitié parce que j'en ai une grosse comme une cheminée. Ben, faudrait peut-être la faire ramonner parce qu'ils sont tout noirs. Oh, oh non. Bon, et. Entrez, monsieur Van de Pit. Oui, entrez, regardez, vous êtes le papa de deux beaux jumeaux. Ah, salope! Dis-moi tout de suite qui est le père du deuxième. Antenne, deux secondes. On va se marrer. Pendant deux heures. Pendant deux heures. Antenne. Alors, un sans-papier togolais qui vient d'arriver en Belgique doit absolument obtenir, et ce le plus rapidement possible, une fausse carte d'identité. Ah. Alors, ses amis africains l'amènent chez un cousin spécialisé dans les faux papiers. Le spécialiste lui demande 1000 euros et une photo. Mais le Togolais n'a pas de photo sur lui. Alors, il dit, écoute, c'est pas compliqué. Il y a un catalogue, là, t'as qu'à choisir. Il y a Lilian Thuram, Sidney Bechet, Denzel Washington, Louis Armstrong, Sidney Poitier. Alors, le Togolais regarde, non. Ah oui, lui, à lui, je veux cette photo d'identité sur ma carte d'identité, je veux cette photo. Alors, il regarde. Enfin, c'est pas possible. Il est blanc, tu es noir. Mais je veux cette photo. Enfin, c'est Leonardo DiCaprio. On voit bien que c'est pas toi. Je veux cette photo, je paye, je veux cette photo. Bon, le mec, il se fait pas chier. Il découpe la photo, il a payé 1000 euros, il n'a rien à faire. Il lui fait ses faux papiers avec la photo de Leonardo DiCaprio. Une semaine plus tard, le Togolais se fait arrêter par la police au milieu de Bruxelles pour un contrôle d'identité. Papier, s'il vous plaît. Oui, voilà. Il donne sa carte d'identité, puis il y a le flic qui regarde. Lui, bah, oh, et dis donc, Martin, le Titanic, il a brûlé ou il a coulé? Deux homos souhaitent avoir un bébé. Ils font mélanger leurs semences, pour parler poliment, et trouvent une mère porteuse. Ah. 9 mois après, l'enfant naît et les deux se précipitent à la maternité. Ils arrivent dans la salle de naissance où une quinzaine de nourrissons hurlent à toute tête. En entendant ce vacarme, nos deux amis s'inquiètent pour les mois à venir. L'une des sages-femmes vient à leur rencontre et leur annonce « Votre petit poussin est là ». Elle désigne un bébé adorable, souriant, d'un calme impressionnant. Pas une larme, pas un cri. Et l'un des deux homos dit « Qu'est-ce qu'il est adorable, c'est le seul qui ne pleure pas ». La sage-femme « Oui, c'est vrai, mais attendez un peu qu'on lui enlève le thermomètre. Ah, » c'est ignoble. Alors, c'est deux vieilles qui ramassent des patates. Ouais, et à un moment, il y a eu oh la vache qui ramasse une grosse patate et qui fait « Mon Dieu, comme on dirait les couilles de mon Victor oh. !» L'autre a fait « Aussi grosse ? Non, non, aussi sale. Oh. » Quel est l'objet avec lequel les Américains s'étouffent le plus souvent ? Le godemichet. Le chewing-gum. Non, avec les haricots rouges. Non. Leur connerie. Les hamburgers. Non. C'est alimentaire. Un objet, oui. Les bretzels. Non. Non, c'est pas un objet. Ah, il avait failli s'étouffer, mais il s'est pas étouffé. C'est un objet en plastique. Il y en a en plastique. Mais il s'étouffe au point d'en mourir. Hein? Il s'étouffe au point d'en mourir. Ah oui, il s'étouffe au point d'en mourir. C'est pas un truc qu'on met dans la bouche d'habitude. Si. Ah oui, si. La ah bon. Bouffe. Un chewing-gum? Non, ben non. Non, un objet. Non. Non, non, parce que Bob a dit qu'il y en avait aussi en bois. Un objet. Ça se suce? Non. Ça dépend. Un dentier? Non, ça en bois. À part celui de Pinocchio. Ça se croque? Non. Non. Non, c'est un est-ce que ça se met à la bouche traditionnellement? Oui. Mais alors pourquoi c'est Les tétines là, tu sais, pour les bébés là. Mais t'as vu des tétines en bois toi? Bah oui, Pinocchio. Pinocchio. Il a une tête. On va faire la soirée. Mais alors, quand ça, c'est généralement, c'est quand tu en bois. Bob, tu veux que je t'aide? Oui. Toi, t'en attends. Je t'ai souvent vu en mettre un. Ah, les cure-dents. Bonne réponse de Bob du club. Ah oui, c'est vrai, il y en a en plume d'oie. La femme de Bob aussi, des fois. Alors, c'est deux copains lundi matin qui se racontent. C'est pas marqué le lundi matin. Ah si, j'ai marqué lundi matin. Et c'est écrit gros. Je ne travaille pas le lundi. Il prodait sur son histoire. T'en fais une tête. M'en parle pas. Ma femme veut divorcer. Qu'est-ce que tu lui as encore fait? Mais rien, j'y comprends rien. Figure-toi qu'hier soir, je sors du café du village, pour une fois pas trop tard, je file chez moi. En arrivant, ma femme m'accueille habillée seulement de sous-vêtements très sexy. Oh. Et elle tenait deux petites cordes en velours. Elle me dit, attache-moi et tu pourras faire tout ce que tu veux. Donc je l'ai attachée et je suis retourné prendre une bière avec mes potes. Alors, comment on fait fuir les souris? En mettant des tapettes. Ah, Ah, on s'y croirait, hein. Même en régie, on a une poule. Ah, oh, ben oui, mais elle nous provoque, la mamie. Elle nous provoque, qu'est-ce que je te dis? Idiote. Vous détestez les souris? Oh, ah non, c'est mignon, une petite souris, c'est mignon. Surtout s'ils sont on blanches. On préfère les mulots. Elles ont horreur du laurier. Ah bon? Oui. Déposer quelques feuilles aux endroits où elles ont l'habitude de... À Rome, t'avais pas une souris. Hein. Mais même le laurier rose, elles n'aiment pas. Ah, le laurier, c'est du laurier. Ah hein. Bon. Voilà. Alors, vous, à l'endroit où elles empruntent fréquemment, et elles vont fuir. Ah. Voilà. Ah bon. D'accord. Pauvre petite chérie. Bon, les tapettes, avec les tapettes, vous les tuez. Bah oui. C'est vrai, on ne veut pas les tuer. Mais... Hein. Tu m'avais dit que chez toi, tu n'avais plus de problème de souris. Ah non, non, non. Moi, ma femme a une bonne chatte. Hein. D'ailleurs, Maurice, tu sais... non, on va laisser Philippe s'en remettre. Non, parce que je repense aussi à quelqu'un qui disait il y a deux minutes, c'est distingué. C'était pas Bob qui disait ça. Non, c'est toi. Je vous parle plus d'ailleurs. Ah Bob, si. Je voudrais qu'on entende Philippe rigoler. Non, non, c'est bon, ça y est. Maurice, tu le savais pas, t'étais pas là en début de semaine. Depuis le début de la semaine, je raconte un petit peu ce qui se passe dans la vie de Bob. Ah. Oui. Alors Bob est à la retraite. Oui. Mais pas Madame Bob. Ah. Madame Bob, elle travaille toujours. Eh oui, j'ai épousé une gamine. Et l'autre fois. C'est les fameuses assistantes là. Et d'ailleurs, l'autre jour, c'était la rentrée des classes. Et non, l'autre jour, le boulot de Madame Bob l'a envoyé en séminaire à Stockholm. Oula. Oh. Alors bon, Bob l'a amené à l'aéroport. Et puis il dit bon bah ma chérie, bon voyage. Bon voyage. Bon. Et Madame Bob, elle dit merci, mon chéri, c'est gentil. Qu'est-ce que tu veux que je te ramène comme cadeau? Et Bob. Toujours une blague au coin de la bouche, dit ah, ramène-moi une petite suédoise. Bon, très bien. Madame Bob ne relève pas la muflerie de son mari. Elle l'embrasse et puis elle se casse. Elle passe donc à faire son séminaire de 2 semaines à Stockholm. Elle revient et Bob lui dit alors, ma chérie, t'as fait bon voyage? Oui, c'est très bien, merci. Et alors, t'as pensé à mon petit cadeau, la petite suédoise? Et Madame Bob dit écoute, j'ai fait ce que je pouvais, mais enfin maintenant, il va falloir attendre 9 mois pour savoir si c'est une fille. Antenne, 2 secondes. On va se marrer. Pendant 2 heures. Pendant 2 heures. Antenne. Compte particulier. Les timbres postes israéliens. Ils ont pas on dedans. On peut pas les lécher. Si, justement. Ah, on peut les lécher. Ils ont pas dedans. Comment ça, ils ont pas dedans. Dedans. Les timbres postes. Oui. Les timbres postes. Oui. Ah oui, ils sont pas dentelés. Ah oui. Ah oui, oui. Pas dedans. Non. Pas dedans. Non, non. Non, mais Bob était bien parti dans son histoire. Ah oui, ils sont autocollants. Non, non, non. Ils sont, justement, ils sont pas autocollants. On peut les lécher. Des deux côtés. Je vois pas l'utilité, hein, franchement. Non, tu confonds avec la cicciolina. Ils sont gratuits, ça m'étonnerait. Pas là-bas. Non, non, non. Alors qu'on les lèche et ils ont quelque chose de particulier. Ils se collent pas. Si. Ça, c'est les timbres belges. Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir ces... Mais t'avais eu. Je suis sur la voie. Mais c'est toi qui avais eu une petite secrétaire à l'époque quand t'avais un bureau. Qui avait manqué étouffé un jour en suçant des timbres. Non, non, parce c'est... que en suçant... c'est pas c'était des timbres, pas des timbres. Jour-là. Non, elle avait failli avaler la flamme de la machine à franchir. Ah oui. Je sais pas, ils sont tout petits. Non, ils sont tout grands. Non, ils sont de la même taille que les Français, mais ah. Ils ont quelque chose. C'est la forme. Non, non. L'épaisseur. Non. Ils ont le goût. Ils ont un prix unique. Oui, pas le goût, mais. Ah, ils sentent. Non, non, non, non, non, non. Ils sont alors, transparents. Non, alors tu étais bien parti tout à l'heure. On les lèche. On les lèche. On les voilà. Mange. Alors non, on les mange pas, mais on les lèche. On les lèche et après et donc, on les... Avant, donc on les lèche, donc ils ont quelque chose de particulier à ce moment-là. Ah ben ils ont un goût. Non, c'est pas un goût. Ils ont de la colle. Oui, alors qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette colle? Ben c'est... Ah, elle est cachère. Bonne réponse de Bob Toucrab. Elle est cachère. Je pense, Bob, qu'aujourd'hui, comme nous avons donc un public nombreux, dans notre, parce qu'on est dans le grand studio suite, Radio Plus. Oh, ça, il y a longtemps, l'autre. Hein. Le grand studio Radio Plus. Oui. Oui. Et bien, je pense que Maurice pourrait faire le plaisir à nos auditeurs présents dans le studio de nous raconter la fameuse blague du clocher. Oui. En direct. Le clocher. Le clocher. Mesdames, messieurs. Maurice. Sans mes notes, hein. Bah, faut dire quand même que la blague est diffusée au moins deux fois par semaine. Oui, si quand même. Pas, oui. 100% bio. Allez, vas-y. C'est bio, Maurice. Hein. Allez. Quelle est la différence entre un i et un clocher? Tu dis la lettre i d'habitude. Oui, tu dis la lettre i. Ah, bah si, un i. Ah, mais d'habitude, tu dis la lettre i. Alors, quelle est la différence entre la lettre i et un clocher? Ah, bah non, c'est pas. On cherche. On voit pas du tout. On donne notre langue au chat. Alors là, on t'écoute, Maurice. Oui. Vas-y, Maurice. Il s'en souvient plus, là. Mesdames, messieurs, Maurice. Là, il s'en souvient plus, là. Le i. Oui. Le i. Oui. C'est quoi le i? C'est quoi? On n'a pas entendu. C'est la voyelle. Oui. Ah, oui. Et le clocher, c'est la consonne. Bravo, Maurice. Vous avez échappé au pire. Hein. Ouais. Monsieur le curé, notre vin de messe est arrivé. Monsieur le curé répond, Marie, je m'excuse, mais on ne dit pas notre vin de messe est arrivé, étant donné qu'il n'y a que moi qui en bois. On dit votre vin de messe est arrivé. Ah oui, pardon, monsieur le curé. Le lendemain, monsieur le curé, votre bois de chauffage est arrivé. Ah, mais non, Marie, on ne dit pas votre bois de chauffage, puisqu'on s'en sert tous les deux. On dit... Monsieur le curé, notre bois de chauffage est arrivé. Ah, d'accord. Le lendemain, monsieur le curé, votre baguette est ouverte et notre pénis est sorti. C'est un homme qui a une énorme habite. Ah, mais dites-moi, elle est mignonne celle-là. Et par annonce, recherche une femme avec une grosse chatte. Oh non. Vous les aimez comme ça, j'aime bien. C'est vendredi. Attends, on va la refaire. Et au moment où tu dois dire bite et chatte, je vais faire la censure. Je vais faire. D'accord. C'est un homme avec une très grosse. Cherche une femme avec une très large. Ouais. Mais c'est moins drôle. Non, bah la refais là normalement. Alors. La femme se présente. Et il décide de faire l'amour. Alors le mec lui met un doigt, deux doigts, trois doigts, la bite, le bras. Enfin, tout y passe, quoi. Oh là là là là là. Il a enlevé sa montre. Mais c'est quoi cette histoire? Il demande à la femme s'il la satisfait correctement. Elle dit ouais, ouais. Bon, alors il dit bon, ben tu sais pas, je vais y mettre la tête. Il met la tête et tout au fond, il voit un petit bonhomme. Il fait mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, moi, je cherche mon cheval. Ah oui, c'était le jockey. Oh là là. Deux secondes. On va se marrer. Pendant deux heures. Antenne. Christophe, puisque tu as donné la dernière réponse, c'est à toi de commencer la tournée de blagues. Si tu choisis l'incinération, sache que ce sera ta dernière cuite. Tandis, et qu'enterré, t'auras toujours une chance d'avoir un petit verre dans le nez. Oh, elle est drôle. Alors, je vous ai pas dit que je suis parti en Bretagne passer quelques jours l'autre jour, et alors, dans une crêperie, j'ai trouvé une pute bretonne qui fait des spécialités à 15, à 10, 15 et 20 euros. C'est quoi ? Eh ben alors attends, je t'explique. À 10 euros, elle t'enveloppe la queue, en fait, dans une crêpe, et elle te fait une turlute. Ah Oui. Et à 10 euros. Comment ? Et à 15 euros, c'est ça que je veux savoir. Et à 15 euros, bah c'est pas compliqué. Pour 15 euros, elle te met du Nutella dans la crêpe. Et à 20 euros. Non, à 20 euros, je me suis cassé parce que quand je l'ai vu arriver avec la bouteille de Grand Marnier, les amis. C'est un couple dont une blonde. Qui part en vacances. Ils sont sur une petite route de campagne et la femme a fait oh, chérie, arrête-toi, j'ai envie d'aller faire la grosse commission. Arrête-toi. J'ai envie de faire la grosse commission. Ah. De faire caca. Ah. Alors le type il s'arrête, elle va dans les buissons et au bout de 5 minutes elle hurle chérie, viens vite, j'ai accouché. Oui, viens vite, j'ai accouché. Écoute, je vois ces petits bras, ces petites jambes, ils bougent, viens vite. Alors, le mec, il arrive en courant, il regarde et fait « Mais t'es conne ou quoi, t'as chié sur une grenouille ?» Alors, c'est un musulman qui décède et qui arrive au ciel. Et il est très excité car toute sa vie, il attendait ce moment, le moment de rencontrer le grand Mahomet. Alors, il arrive au portail du siècle, il voit un homme avec une grande barbe. « Ah, purée, Mahomet !»« Non, mon fils, je suis pas Mahomet, je suis Pierre. » « Mahomet, il est plus haut. Là, tu vois, il y a une échelle dans les nuages, tu grimpes et tu vas le trouver. Ah. » Donc, il monte, là, il arrive, il rencontre un autre homme avec une grande barbe. « Ah, purée, Mahomet !»« Mais non, je suis pas Mahomet, je suis Moïse. Mahomet, il est plus haut. » Le mec, il continue à monter, il tombe sur un autre barbu. « Oh purée, Mahomet !»« Je suis pas Mahomet, je suis Jésus. Mahomet, il est plus haut. » Il continue à monter, il retrouve un barbu. « Purée, Mahomet ?»« Mais non mon fils, je suis Dieu. Mais tu as l'air épuisé, tu veux un café ?»« Oh purée, volontiers, c'est pas possible. » Et à ce moment-là, il y a Dieu qui se retrouve, il fait « Eh oh, Mahomet, deux cafés !» Alors je crois qu'il est temps d'avoir des nouvelles des stars, les news de stars de Frédéric Coster avec le sponsor. Sans sponsor, Jérémy. Ah ben non, Maurice, il faut le sponsor. Le sponsor, Maurice. Le sponsor. Le sponsor. Le sponsor. Le sponsor. Le sponsor, Maurice. Alors, vas-y, quelle différence y a-t-il ? Non, le sponsor. Le sponsor avec la juste chaise de Justin Bridoux. Mais là, comment ? La juste sèche de Bristin Bridou. Excusez-moi. La juste sèche de Bristin Bridou. Non, tu répètes. La juste sèche de Justin Bridou. De Justin Bridou. Non, tu dis tout en entier. Allez, hop, là. La juste sèche, voilà. C'est pas de Justin Bridou. J'arrive pas. Je suis comme Mergot, hein, j'arrive. Tiens, j'ai des mots croisés à faire. Ah, oui. Sodomie en trois lettres. Oula. Je sais pas. Non. Aïe. Alors, quelle est la première chose que fait Jean-Claude Van Damme en montant dans sa voiture ? Il rote. Non, il fout le contact. Et une petite mignonne dernière pour la route, comme ça vous pourrez la faire demain au bureau. Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de peinture le jour de Noël? Un chapin de Noël. Oh.

Quelle est la différence, la, est-ce que tu connais la différence entre un i et un clocher? Ah oui, on a le clocher. Le clocher. Sans les notes. Alors, sans les notes. Oui. Là, il n'y a pas les notes. Non, ne me repousse pas ma table. Non. Vas-y. Alors, quelle est la différence entre un i est-ce que vous connaissez? Oui. Ah ben c'est pas vrai. Non. Connaissez-vous la différence entre un i et un clocher? Ah non. Personne dans le public. Non. Eh ben le i c'est la voyelle. Oui. Et le clocher c'est la con. Ça a failli. On était bien. Non mais c'est Frédéric qui m'a déconcentré. Oh bah oui. Voilà, vas-y. Alors attends, refais là quand même qu'on l'ait au moins une fois. Non, qu'on l'ait bien une fois dans la semaine. Alors vas-y. Alors Maurice, la blague. Bon, savez-vous quelle est la différence entre un i et un clocher? Oh non. J'aime bien. Non. Le i c'est la voyelle et le clocher c'est là où on sonne. Je me casse. Non, n'applaudis pas. Ça fait 15 jours qu'on se fout de sa gueule avec ça. Il ne la refait pas. Non, mais arrête. Je la répéterai plus. C'est là où qu'on sonne. C'est là qu'on sonne. C'est là qu'on sonne. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas nous la dire mot par mot et après, David et Mickaël font le montage. Non. Ils l'ont déjà fait depuis longtemps. Ah bah oui, c'est sur Internet. Ça a tourné sur Internet pendant toute la semaine.